À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le Comité des relations extérieures du Parti révolutionnaire populaire, le ministère de la Défense du Laos, l'Association d'amitié Laos-Corée, la troupe de danse folklorique de l'Académie nationale Igori Moiseyev, la Fédération des unions syndicales du territoire maritime de Russie, ainsi que le ministre laotien de la Défense, membre du bureau politique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire Laos, et les membres du Comité central du Parti laotien, le président du Parti socialiste béninois, le président du Comité équatorien à la mémoire du généralissime Kim Jong-il, le président directeur général de la compagnie à responsabilité limitée de tourisme Jinli de Hong Kong de Chine, le secrétaire général du Comité du Fonds d'énergie Zhang Fua et d'autres personnalités chinoises ont fait parvenir des corbeilles de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et le tableau de peinture figurant les grands hommes coréens. En outre, le co-administrateur général du conseil du fonds Kim Il-sung Kim Jong-il et l'administrateur général du groupe d'investissement général d'Italie ont envoyé une corbeille et une grande vase de fleurs aux représentations coréennes dans leur pays.